Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arved Barine, chapitre 13, de l'efficacité de sa prédication, de la première demeure qu'il eut, de quelle façon il y vécut avec ses compagnons, et comment ils en partirent. Dès lors, le bienheureux François commença à aller de ville en ville et de château en château, prêchant partout, et annonçant fidèlement le règne de Dieu, non avec les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais selon la doctrine véritable et l'inspiration du Saint-Esprit. Il parlait en prédicateur véridique, fort de l'autorité apostolique, n'usant d'aucune parole flatteuse, et dédaignant les séductions oratoires. Ce qu'il tâchait de persuader aux autres par ses discours, il s'en était pénétré lui-même par ses œuvres, afin de pouvoir proclamer plus fidèlement la vérité. Tous, même les savants et les lettrés, s'étonnaient de la vérité et de la puissance de ses discours qu'aucun homme ne lui avait enseignés. Beaucoup accouraient pour le voir et l'entendre, le considérant comme un homme d'un autre temps. Nobles et roturiers, clercs et laïcs, animés d'une inspiration divine, s'attachaient aux pas de François et, rejetant les pensées du siècle et ses pompes, venaient vivre sous sa discipline. Le père séjournait avec quelques-uns des frères, tout près d'Assise, à un endroit qu'on appelle Ruisseau Tortueux, où il y avait une cabane abandonnée. Cette cabane était si étroite qu'on pouvait à peine s'y asseoir ou y reposer. Souvent ils y manquaient de pain et n'avaient à manger que des raves que, dans leur détresse, ils allaient mendier ça et là. Le père inscrivait le nom des frères sur les planches de la cabane, afin que chacun connût la place où il pouvait prier ou reposer, et n'eût pas à troubler le silence par un bruit inattendu, en la cherchant dans cette chaumière étroite et exiguë. Pendant que les frères se trouvaient là, il arriva un jour qu'un paysan y vint avec un âne dans l'intention d'y passer la nuit, et, pour n'être pas repoussé par les frères, il dit à son âne en entrant « Viens, car nous serons très bien ici. » Le père, entendant ces mots et voyant les intentions du paysan, s'indigna, d'autant plus que celui-ci avait fait grand tapage, et avait dérangé les frères qui, à ce moment, priaient dans le silence. L'homme de Dieu dit donc à ses frères, « Je sais, mes frères, que Dieu ne nous a pas appelés à préparer un logement pour un âne, ni à avoir des conversations inutiles avec des hommes, mais bien à prêcher les voies du salut, à donner des conseils salutaires, et à nous adonner surtout aux oraisons et aux actions de grâce. » Ils laissèrent donc cette cabane, pour qu'elle servît aux pauvres lépreux, et se transportèrent à Sainte-Marie de la Portioncule, près de laquelle ils avaient autrefois habité une maisonnette, avant qu'on leur donnât l'église elle-même. Peu après, le bienheureux François, par la volonté et l'inspiration de Dieu, obtint cette église de l'abbé des Bénédictins du Mont Subasio, près d'Assise. Plus tard, il la recommanda particulièrement et affectueusement au général et à tous les frères, comme un lieu aimé de la Vierge Glorieuse, plus que toutes les autres églises de ce monde. La considération qu'il avait pour cet endroit, et l'affection qu'il lui portait, étaient dues en grande partie à une vision qu'avait eue un frère lorsqu'il vivait encore dans le siècle. Le bienheureux François aimait particulièrement ce frère et, tant qu'il vécut avec lui, il lui témoigna une grande familiarité. Ce frère donc, désirant servir Dieu, que plus tard il servit fidèlement après être entré en religion, eut une vision dans laquelle tous les hommes de ce monde lui apparurent comme devenus aveugles. Il les voyait, agenouillés, dans l'enceinte de Sainte-Marie de la Portioncule, les mains jointes, la face tournée vers le ciel, se lamentant, et priant Dieu à haute voix de vouloir bien, dans sa miséricorde, leur rendre la lumière. Et il lui sembla qu'une splendeur éclatante sortait du ciel et, descendant sur ses suppliants, les enveloppait de clarté. En s'éveillant, il prit la ferme résolution de se consacrer au service de Dieu, et, peu après, abandonnant le monde et ses pompes, il entra en religion, et ne cessa de servir Dieu humblement et pieusement. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.